الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إن شاء الله تعالى، donc après cette interruption de quelques mois, on va continuer quant à la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc cette biographie qui concerne les musulmans et les musulmanes, donc les jeunes comme les plus âgés, ça nous concerne tous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا الْآيَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle qu'on a tous besoin du prophète alayhi salatu wa salam, de son minhaj, de sa voix, de sa méthode, quand il dit dans le Saint-Coran, et vous avez certes dans le messager d'Allah alayhi salatu wa salam un excellent exemple, un excellent modèle à suivre. Donc on a tous besoin de ce modèle qui est le modèle du prophète alayhi salatu wa salam, ses paroles, ses faits, ses gestes, ses approbations. C'est pour ça qu'on relève dans la sunnah différentes sunnahs qui sont plutôt la sunnah al-fi'liya, wal-qawliya, wal-taqririya, ce qui est connu chez l'ensemble des musulmans, la grande partie des musulmans. Donc c'est-à-dire la sunnah, le comportement du prophète alayhi salatu wassalam quant à ses paroles, ou la méthode du prophète alayhi salatu wassalam qui concerne sa parole ou ses paroles, et ses faits et gestes, son comportement et son approbation. Donc on a tous besoin de cette sunnah-là, qui est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, car c'est l'excellent modèle à suivre. C'est l'excellent modèle à suivre, comme Allah Azza wa Jal l'a cité dans le Coran al-Karim. Donc on continue quant à cette biographie, et ce qui nous importe, c'est de prendre les morales de cette biographie. D'accord? C'est les morales, al-ibar, al-idat, donc les exhortations, les morales à prendre, les leçons à tirer de cette biographie, inshallah ta'ala, comme on le fait au fur et à mesure de cette biographie. Plutôt le dernier cours, on s'était arrêté avec Al-Isra wal-Mi'raj. Donc c'est le voyage nocturne et l'ascension céleste avec une traduction approximative. D'accord? Donc ça c'est connu chez la grande partie des musulmans. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam, l'an 10 de l'Hégire, donc a fait ce voyage nocturne et cette ascension céleste. Ici, corps et âme, comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa ghayruhuma min ahli al-ilm, c'est-à-dire corps et âme plutôt. D'accord? Donc il a fait ce voyage et cette ascension céleste l'an 10 de l'Hégire. Donc il a fait ce voyage nocturne de la Mecque ici jusqu'à Beitul Maqdis, Jérusalem. D'accord? Et la mosquée sainte de Jérusalem ici sur le dos de Al-Buraq, on l'avait vu. Et ensuite, il a fait la prière derrière il a présidé la prière alors que derrière lui étaient tous les prophètes. D'accord? On l'avait cité aussi. Et ensuite, de là-bas, il a fait cette ascension céleste avec une traduction approximative, Al-Isra. Il a fait ce voyage, cette ascension, dans les différents cieux. Il a rencontré dans le premier ciel, comme on l'avait cité, Adam alayhi salam, ainsi de suite. D'accord, jusqu'à Sidratul Muntaha, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cet événement ait eu lieu, et je parle ici quasiment, tout le cours se fait en français concernant la biographie du prophète alayhi salam, car c'est enregistré il n'y a pas beaucoup de temps, je ne peux pas traduire à chaque fois, contrairement aux autres cours qui sont le lundi et le mardi, donc je pense que la majorité comprend le français bien. Donc ici le prophète alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il a eu ce grand événement. Après qu'il y ait eu quoi? On avait parlé de quoi avant Al-Isra ou Al-Mi'raj? C'était quoi le sujet? Amul Huzn, appelé par les savants l'année affligeante ou l'année de la tristesse, où il a perdu son oncle, où il a perdu Khadija radiallahu anhu wardaha, etc. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu ce grand signe d'Allah subhanahu wa ta'ala pour raffermir encore plus, bien qu'il était déjà raffermi le prophète alayhi salatu wassalam. Kana ala thabat alayhi afdalus salati wa askas salam. Donc il était déjà sur un raffermissement, mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu raffermir encore plus le prophète alayhi salatu wassalam pour accompagner le prophète alayhi salatu wassalam tout au long de ses épreuves. D'accord? Ou de son épreuve qui a duré longtemps. D'accord? Parce que les épreuves du prophète alayhi salatu wassalam ont duré pendant pas mal d'années. Donc il était toujours éprouvé le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il a vécu cet événement qui était Amul Huzn. Amul Huzn. D'accord? Alors plutôt qu'il a qu'il ait passé cet événement qui était Amul Huzn, cette année affligeante, il a vécu cet événement qui était Al-Isra wal Mi'raj. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu réconforter le prophète alayhi salatu wassalam. Mais les soucis n'étaient pas terminés. Ils étaient encore présents. Et c'est ce qu'on va voir ici, c'est la leçon à tirer. C'est que, de façon générale, vous allez voir, quand on est éprouvé, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici que cette épreuve afin dure dans le temps, on voit que souvent Allah subhanahu wa ta'ala nous réconforte par certains événements. Bien que nos épreuves restent, c'est-à-dire avant que l'épreuve se dissipe, ou que l'ensemble des épreuves se dissipent, ici Allah subhanahu wa ta'ala, quelquefois il nous amène, yani, ou il nous fait intervenir certains événements qui nous font, yani, qui nous donnent ce réconfort et nous aident à patienter tout au long de nos épreuves avant qu'il y ait le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient. Car on sait tous, et c'est ce qu'on va voir inshallah ta'ala à la fin de ce cours-là, qu'après la patience vient an-nasr. Inna an-nasra ya'ti ma'a sabr. Comme a dit alayhi salatu wa salam. Car le secours vient avec la patience. Le secours vient avec la patience, comme on va le voir à la suite de ce cours, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam dans un hadith authentique. Mais avant que le secours vienne, on a, alhamdulillah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces bienfaits-là. Ces réconforts de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous emmène ou nous fait, yani, vivre une situation qui nous soulage. D'accord? Ou on entend un événement qui nous soulage. D'accord? À titre d'exemple, ce qui me vient à l'esprit, par exemple, tu sais que tu as plusieurs épreuves, et voilà que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, te fait vivre cet événement de joie. Il y a, par exemple, ton épouse qui va mettre au monde un enfant par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que tu es rempli d'épreuves, est-ce que cet événement-là va pas t'apaiser quant à tes épreuves ou le reste de tes épreuves? Bien sûr, car c'est un moment de joie. Et donc, on voit ici le prophète alayhi salatu wa salam, alors qu'il a vécu l'année affligeante, la perte de ses proches qu'il aimait beaucoup et qui l'ont soutenu, voilà qu'il a vécu al-Isra wa al-Mi'raj pour le réconforter. Bien que les épreuves étaient toujours là, car le prophète a continué à être persécuté, et alors qu'il était toujours à la Mecque. Et là, on est à l'an 10 de l'Hégire. Pendant Al-Isra wa Al-Mi'raj, on a rappelé que le prophète alayhi salatu wa salam a vu plusieurs groupes de personnes pendant Al-Isra wa Al-Mi'raj. Parmi ces groupes de personnes qu'il a rencontrées, on avait cité le hadith rapporté par Ibn Hibban, avec une bonne chaîne de transmission, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda, où le prophète alayhi salatu wa salam a dit, lors de mon ascension, j'ai vu un groupe de personnes se faisant couper les lèvres avec des ciseaux. Et afouan, ce hadith-là, je ne vous l'avais pas cité la semaine dernière, le dernier cours. Donc je vous le cite. Donc le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit, j'ai vu un groupe de personnes, rendu bon ou jugé bon par Cheikh Al-Albani, un groupe de personnes se faisant couper les lèvres ici avec des ciseaux provenant de l'enfer. J'ai dit, qui sont ces gens-là, ô Jibril? Et il me répondit, ce sont les prêcheurs. De ta communauté, de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Ceux qui commandaient aux gens le bien et qui s'oubliaient eux-mêmes alors qu'ils lisaient le livre, ne raisonnaient-ils donc pas? Voilà le châtiment des prêcheurs de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Ceux qui quoi? Ordonnent le bien et qui s'oublient eux-mêmes alors qu'ils lisent le livre. Wa yaqra'un al-kitab, yani al-Qur'an. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ordonnerez-vous au bien, aux gens, le bien? نعم. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. Et vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre, alors que ce verset coranique est descendu bidayatan ala al-Yahoud. Il est descendu sur al-Yahoud. Lakin c'est général. Concernant tout prédicateur qui ordonne le bien, interdit le mal et qui s'oublie lui-même alors qu'il a lu un livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceux qui lisent Al-Qur'an Al-Karim ordonnent le bien, interdisent le mal et s'oublient eux-mêmes, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cet égarement-là. Et Anas radiallahu anhu arda, il rapporte dans un autre hadith, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, au cours de mon ascension. Donc ça, c'est le deuxième groupe de personnes que le prophète a rencontré lors de Al-Isra ou Al-Mi'raj, ou plutôt Al-Mi'raj, l'ascension céleste avec une traduction approximative. Il dit, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre. Donc les premiers, c'était Ad-Du'at, c'était les prédicateurs, mais qui s'oubliaient eux-mêmes. Wal-Iyadu Billah, ça suffit pas de monter sur le mimbar, ça suffit pas de s'asseoir sur une table et de dire, yani, le prophète a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, mais il faut assumer ce que tu dis et ne pas t'oublier toi-même. Tout le monde fait des erreurs. Lakin, une personne qui s'adonne à da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala et qui délaisse à 100% ou totalement ce qu'il dit, wal'iyadu billah, c'est interdit pour lui de prêcher l'islam. C'est interdit. Tu vas voir une personne et tu lui dis, Mon frère, ittaqillah et fais tes prières à la mosquée, tu ne viens pas à la mosquée. Ça c'est clair et net. Tu n'as pas besoin d'être un savant pour dire que tu es dans un égarement ou pour dire que cette personne est dans un égarement. Tu vas voir une personne et tu lui dis akhi ittaqillah et ne mange pas le riba et toi tu manges le riba, etc. Hada la yajuz bittifaq al ulama, et ça c'est clair. Le prophète Ali Soussam parle du deuxième groupe de personnes qu'il a rencontré, et ce hadith est un hadith authentique comme l'a dit Cheikh Al-Albani. Au cours de mon ascension au ciel, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre avec lesquels ils se griffaient le visage et la poitrine. Et ce hadith, on l'avait cité. D'accord? Je demandais qui sont ces gens-là au Jibril, et il dit, ce sont ceux qui mangeaient la chair de leur prochain, et leur souillaient leur bonne réputation. D'accord? Donc ceux qui sont tombés dans quoi? Al-riba, wal-namima, et qui touchaient et souillaient la réputation, yani, de leur prochain. Et on rapporte que Soufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, donc il disait, concernant le fait de garder sa langue, car on est dans ce sujet-là, je vous rapporte certaines paroles d'ancêtres pieux et de compagnons. Soufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il disait, essayez de retenir ces paroles-là, lancer une flèche à quelqu'un, mais préférable au fait de lui lancer une parole. Lancer une flèche à quelqu'un, mais préférable de lui lancer une parole. Kalima. Pourquoi? Il dit, en effet, la flèche peut ne pas l'atteindre. C'est possible que tu le rates en lui lançant une flèche. Mais il dit, Soufyan al-Thawri, rahimahullah, alors qu'une parole lancée atteint toujours sa cible. Quand tu lances une parole, ça atteint toujours sa cible. Amma la flèche, peut-être tu vas le rater. Lakin la parole, tu vas toujours atteindre ta cible. Et on sait très bien que les dégâts des mots sont considérables. Car tu lances une parole sur une personne, peut-être que cette parole-là va entacher la réputation de centaines, si ce n'est de millions de personnes ou de croyants et de croyantes, wal'iyadu billah, à cause d'une parole. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salam a dit, dans un hadith authentique, c'est sahih, le croyant dit une parole, il lui donne aucune importance, alors que cette parole l'a plongé en enfer, d'une distance telle et telle. Et il dit une parole, il lui donne aucune importance, alors que cette parole l'a mis au paradis. Une parole, kalima, simplement une parole. Et voilà que Abdullah ibn Mas'ud disait, et cette parole est connue, avec une chaîne de transmission authentique, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, je jure par celui qui est le seul Dieu, que rien sur terre ne mérite d'être plus emprisonné que al-lisan, la langue. Voilà ce que disait Abdullah ibn Mas'ud, des paroles à retenir. Et on rapporte de Taous, qui faisait partie de Tabi'in, rahimahullah ta'ala, qui dit, ma langue est un lion. Il considérait sa langue comme un lion. D'accord? Il lui donnait ici l'apparence d'un lion. Ou il donnait cet exemple-là plutôt. Ma langue est un lion. Si je libère ce lion-là, il me dévorera. Si je libère ce lion-là, il me dévorera. Et pour terminer, il y a le hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu warda. Un hadith qui est jugé authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Abu Huraira rapporte qu'un homme insulta Abu Bakr. Ça, c'est pour nous rappeler que même quand tu te retrouves dans une situation où tu es tenté à user d'une mauvaise façon de ta langue, retiens ta langue. Et voilà pourquoi le prophète Ali Soussam dit, le fort, al-qawi, c'est qui? C'est pas celui qui fait exploser sa colère quand il est en colère, mais c'est celui qui quoi? C'est celui qui yamsik radabah. C'est celui qui retient, qui arrive à retenir, c'est quoi? Sa colère. Quand il est en colère. C'est celui-là le fort. Même quand tu te retrouves dans une situation où on t'agresse, ou alors on te touche avec des mauvaises paroles, la darara wa la dirar, comme a dit alayhi salatu wa salam. Donc nous, on ne répond pas au mal par le mal. Regardez Abu Huraira radiallahu anhu arda, qu'est-ce qu'il dit? Il rapporte qu'un homme insulta Abu Bakr en présence du prophète alayhi salatu wa salam. Celui-ci, c'est-à-dire Abu Bakr, se mit à sourire et à se réjouir. D'accord? Afwan, le prophète alayhi salam se mit à sourire et à se réjouir. Alors que la personne insultait Abu Bakr, radiallahu anhu arda. Et lorsque l'homme excéda Abu Bakr par ses propos injurieux, ce dernier répondit à certaines de ses insultes. Donc Abu Bakr, il l'a pas tenu. Il a répondu à certaines insultes à l'homme plutôt, qu'il insultait Abu Bakr, radiallahu anhu arda. Alors que le prophète, au début, pendant que Abu Bakr patientait, le prophète se mettait à sourire. À ce moment-là, au moment où Abu Bakr a commencé à répondre à certaines insultes de ce personnage-là, ici, le prophète se mit en colère et se leva. Abu Bakr radiallahu anhu arda s'empressa de le rejoindre et lui dit, Ya Rasoul Allah, ô messager d'Allah, cet homme m'insultait alors que tu étais assis lorsque j'ai répondu à certains de ses propos, tu t'es courroucé et tu t'es levé. Pourquoi? Alors que moi j'ai fait que répondre. Et le prophète alayhi salam répondit, il y avait un ange qui répondait à ta place. Il y avait un ange malek qui répondait à ta place. Mais lorsque tu t'es mis à répondre à certaines injures, Satan fit son apparition. Shaitan est venu. Et le prophète a dit, or il ne me convient pas d'être assis avec Shaitan. Et le prophète alayhi salam dit à Abu Bakr, ô Abu Bakr, trois choses ne sont que vérité. Regardez les conseils du prophète à Abu Bakr. Il dit, aucun opprimé ne se retient de répondre à l'injustice qui lui est faite en cherchant par là la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas par faiblesse. Il cherche là la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui fasse justice avec force. Sans qu'Allah azza wa jalla ne lui fasse justice avec force. Ensuite, le prophète il dit, aucun homme ne dépense de ses biens dans le but de renforcer les liens de parenté sans qu'Allah déculpe ses richesses. Déculpe ses richesses. Et c'est pour ça que le prophète a dit, la meilleure des sadaqas que tu puisses donner, c'est à qui? C'est à ta famille. C'est à ta famille. Même si ta famille n'est pas dans le besoin et tu vois une personne en face de toi dans le besoin. La meilleure des sadaqas, c'est la sadaqa donnée à qui? À tes proches, à ta famille. Et bien sûr, en priorité à qui? À tes parents. Donc, à tes proches et à ta famille. Et ensuite, le prophète dit à Abu Bakr, radiyallahu anhu warda, et aucun homme ne se permet de mendier dans le but de s'enrichir sans qu'Allah azza wa jal n'accroisse sa pauvreté. Celui qui demande simplement dans le but de s'enrichir sans qu'Allah azza wa jal n'accroisse ici, wal'ayyadu billah, sa pauvreté. Ala kulli hal, c'est une brève, yani, parenthèse concernant al-Isra wa al-Mi'raj. Le prophète alayhi salatu wa salam, raja'a mutma'inna al-qalb. Il est revenu avec le cœur apaisé. Alhamdulillah. Ses problèmes n'étaient pas terminés. Mais on voit que le prophète alayhi salatu wa salam a été apaisé, raffermi par Allah subhanahu wa ta'ala par cet événement-là. D'accord? Ensuite, ici, il y a eu d'autres événements qui se sont passés. Parmi ces événements connus, il y a Bay'atul Aqabatil Oula wa Bay'atul Aqabatil Thaniya. Donc c'est connu, c'est les deux pactes d'allégeance. Donc il y a Amul Huzn, ensuite il y a eu Al-Isra wa Al-Mi'raj. D'accord? À l'an 10 de l'Hégire. Ou Afwan, récapitulatif. C'est pas de l'Hégire, de la prophétie. D'accord? L'an 10 de la prophétie. Il n'y a pas eu encore l'Hégire. D'accord? L'an 10 de la prophétie, vous ne trompez pas. Là, on n'est pas encore dans les années de l'Hégire. L'an 10 de la prophétie. Afwan. D'accord? Min al-Bi'tha. Donc de la prophétie. Et ici ensuite, il y a eu deux événements. Bay'atul Aqabatil Oula wa Thaniya. Donc les deux pactes d'allégeance. Il y a eu le premier pacte d'allégeance et le deuxième pacte d'allégeance. D'accord? Et ceci est rapporté dans un hadith jugé bon par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc c'est un hadith jugé bon par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Il est rapporté que pendant la période du pèlerinage, en l'an 11, donc un an après Al-Isra wa Al-Mi'raj. Un an après l'an 11. D'accord? Je suis assez clair. Il faut retenir ces événements-là. D'accord? Donc, à cette année-là, l'an 11, il y a eu la période du pèlerinage. Pendant cette période du pèlerinage, il y a un groupe de Médinois qui était à l'époque appelé Yathrib, qui faisait partie de la tribu de Al-Khazraj. Car il y avait deux tribus à Médine, donc qui étaient appelées auparavant Yathrib. Il y avait deux tribus. Il y avait la tribu de Al-Khazraj et la tribu de Al-Aous. C'était les deux grandes tribus qu'il y avait. qui étaient alliés avec les juifs. Et à l'époque, à cette époque-là, même avant, il y a eu plusieurs batailles qui ont eu lieu entre eux. D'accord? Et yani, certains rapportent que ces batailles-là yani, étaient organisées dans les coulisses par les juifs. Donc à l'époque, donc pour que ces deux tribus-là yani, s'entretuent. Et on connaît tous le proverbe, diviser pour mieux régner. Donc, ils étaient alliés des juifs. Et sans le savoir, certains historiens rapportent que c'était les juifs qui engendraient ces disputes-là. Donc, déjà à l'époque. Donc, ici, ces deux tribus s'entretuèrent. Et il est rapporté que quand ils s'entretuèrent, il y a un hadith rapporté par le Bukhari, où Aïcha radiallahu anhu ardaha parle d'une de ces batailles, où il y avait des centaines et centaines de morts. Et il y a une année, quand ils s'entretuèrent, et quand il y avait des conflits qui explosèrent entre eux, il y avait des centaines et centaines et centaines de morts. Ils n'en pouvaient plus. Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses avec hikmah. Hikmatullahi azza wa jalla. Donc, ici, ça a été la cause pour laquelle, yani, ou par laquelle, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à donner le secours au prophète alayhi salatu wa salam, ainsi qu'aux croyants qui étaient à la Mecque. Pourquoi? Car ces gens-là qui faisaient partie de Al-Khazraj et Al-Aus n'en pouvaient plus et ils ne trouvaient plus aucune fin et plus aucune solution. Donc, à ce moment-là, c'est connu. C'est connu peut-être à plus, yani, à échelle plus petite, mais que quand il y a des gens qui même sont contre toi, mais que tu détiens al-haq avec toi, quand ils sont dans des situations où ils ne trouvent aucune issue, ils reviendront toujours pas à toi, mais al-haq qui est avec toi. Donc ils reviendront à toi. Si tu as al-haq avec toi, la vérité avec toi. On sait que quand des gens sont dans des situations où ils ne trouvent plus aucune issue, mais ils savent que toi tu détiens, alhamdulillah, la vérité. La vérité qui est bien sûr l'islam. Qui est bien sûr, قال الله وقال الرسول. C'est ça la vérité, c'est cette vérité qu'on parle. Donc quand ils savent que tu détiens la vérité, même s'ils ne veulent pas, à contre-gré, ils viendront vers toi. Et ça c'est connu. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, comme disent les savants, a fait qu'ils s'entretuent et qu'ils aillent demander l'aide à qui? Au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors qu'au début ils ne voulaient pas de son aide. Mais ils étaient tellement dans une situation de détresse qu'ils n'avaient pas d'autre issue que d'aller voir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ils connaissaient le prophète alayhi salatu wassalam de réputation. Et le prophète alayhi salam, avant la révélation, avant l'islam, la venue de l'islam, à l'époque de l'Jahiliya, il était appelé comment? Mohammed al-Amin, le digne de confiance. Et il l'appelait, comme on a vu concernant le conflit de la pierre noire, etc. Il l'appelait pour ici résoudre les problèmes et pour trancher. Car il savait que c'était une personne qui était digne de confiance. Donc il y a un groupe de Al-Khazraj qui est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam à l'an 11 de l'Hégire. Pour le rencontrer dans cette période qui est la période de pèlerinage. D'accord? Ils sont partis le voir et ils ont commencé à discuter avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont discuté avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui ont raconté ce qui se passait, c'est-à-dire les déchirures qu'il y avait entre eux et Al-Aws. Et le prophète alayhi salatu wassalam a bien sûr commencé à les exhorter. Alors réciter le Coran al-Karim, et ceci est cité dans le hadith jugé bon par Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il leur a parlé de l'islam jusqu'à ce qu'ils ont embrassé l'islam. Ils ont embrassé l'islam, et une des causes, comme disent les savants, c'est qu'ils étaient aussi dans une détresse. C'est la cause principale pour laquelle ils ont été voir qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc ici, ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, par Allah, ya Rasulallah, si tu es la cause de, ici, l'apaisement des conflits qu'il y a chez nous, si Allah azza wa jal rétablit la stabilité par ta cause, il n'y aura personne de plus puissant que toi. D'accord? Il n'y aura personne de plus puissant que toi. Dans le même hadith, ils ont dit ça. C'est-à-dire que tu vas acquérir une haute notoriété. Si tu arrives à quoi? À rétablir le calme entre nous, entre ces deux grandes tribus. Donc ils ont embrassé, alhamdulillah, l'islam. وَهَذَا بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Car le prophète lui-même n'est qu'une cause. Et les causes ne peuvent nuire ni profiter en quoi que ce soit sans la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. Comme Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Ibrahim, il dit, c'est un livre qu'on a descendu sur toi pour que tu sortes les gens des ténèbres à la lumière par la permission de leur Seigneur. Donc par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces personnes-là, qui faisaient partie de Al-Khazraj, sont reparties à Yathrib, qui est appelé avant Yathrib, donc à Al-Madina. Donc ils sont repartis à Médine et ils ont commencé à faire da'wa. Il est rapporté qu'ils ont fait da'wa jusqu'à ce qu'il y avait dans chaque maison au moins un musulman. Jusqu'à ce qu'il y avait dans chaque maison à Médine au moins un musulman. Au moins un musulman qui était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a agréé cette religion qui est la religion de l'islam. D'accord? Donc à ce moment-là, l'année qui a suivi, donc là on est à l'année 11, d'accord, de la prophétie ou de la révélation. L'année après, l'année 12, d'accord, il y a un groupe qui est reparti voir le prophète alayhi salatu wassalam encore, de Médine. Regardez bien, ils sont repartis de Médine jusqu'à Mecca. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est forcé à faire un da'wa, où ça? À Mecca. La meilleure des créatures sur la surface de la terre, elle était où? À Mecca. La base de da'wa, elle a commencé où? À Mecca. Regardez l'impact qu'a eu la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam, non pas à Mecca, mais jusqu'à Al-Madina, qui est à peu près à 500 km de Mecca. D'accord? Donc on voit que quelquefois, ici tu as beau faire un da'wa dans ta ville, dans ta famille, chez tes proches, ça n'aura pas autant d'impact que l'impact qu'a eu ta da'wa peut-être à 1000 km. Ou à 500 km, ou à 200 km, ou à 100 km. Quelquefois, ça se passe comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui, par exemple, sont dans des mosquées, ils font da'wah, c'est un petit impact dans leur mosquée. Je prends à titre d'exemple, hein, et surtout avec les moyens qu'on a au jour d'aujourd'hui, les cours sont enregistrés, et quand on transmet ces cours-là, ça a un impact hallucinant. Mais dans la ville où est le cheikh ou le savant, yani où il transmet cette da'wah-là, c'est un petit impact. Et voilà le proverbe français qui dit, nul n'est prophète dans son pays. Quelquefois c'est comme ça. Sunnatullah, c'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, hikmatullah azza wa jal. On voit que le prophète alayhi salam a fait da'wa à Mecca, mais regardez l'impact que va prendre sa da'wa, non pas à la Mecque, mais jusqu'à Médine. Regardez l'impact de sa da'wa. Vous allez voir comment elle va, yani, avancer d'une allure hallucinante. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il est à Mecca, et on rentre dans l'année 12 de l'Hégire, ou plutôt à fond de la prophétie. Et donc là, pendant la période du pèlerinage, il y a un autre groupe qui va à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, pendant la période de pèlerinage, il y a eu 12 Médinois qui ont décidé d'aller rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam, dont 6 qui avaient déjà rencontré le prophète alayhi salatu wassalam. Il y en avait 6 qui l'avaient déjà rencontré. Donc à l'année 12, il y en a 12 qui ont décidé de repartir à la rencontre du prophète alayhi salatu wassalam pour prêter allégeance. D'accord? Donc cette fois-ci, quand ils ont été rencontrés le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'à cette époque on avait dit que les historiens ont rapporté qu'il n'y avait pas une maison à Médine où il n'y avait pas un musulman. Ils sont repartis à 12 pour là maintenant prêter allégeance. Donc ça monte de niveau. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle bay'atul aqabatil oula, le premier pacte d'allégeance fait en faveur du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. C'est qui nous rapporte ça? Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu wa arda. Donc c'est lui qui nous raconte ici ces faits-là, alors qu'il a plutôt participé à ce premier pacte d'allégeance. Et il dit Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu wa arda. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam a dit aux gens présents: venez me prêter, yani, allégeance. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a rencontré ces personnes qui avaient embrassé l'islam, il a dit maintenant vous allez me prêter allégeance. Dans Al-Bukhari wa Muslim. Et il a dit allégeance de, et il a cité certains points, il a cité des clauses. Porter allégeance de quoi? Et le prophète alayhi salatu wa salam, regardez par quoi il a commencé. Il a commencé par, bien sûr, At-Tawhid. Le prophète a commencé par At-Tawhid. C'est ce par quoi on doit tous commencer en tant que prêcheur, yani, en tant que responsable de famille, en tant que imam, en tant que savant. N'importe quelle personne qui appelle à l'islam doit commencer par At-Tawhid. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Donc Allah Azza wa Jalla nous rappelle dans le Coran Al-Karim, quand il dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, à part ça il pardonne à qui il veut. N'importe quel grand péché peut être pardonné. إِلَّا الشِّرْكِ. C'est-à-dire si tu meurs alors que tu fais shirk. Amma si tu as fait shirk, tu te repens, alhamdulillah. Babu tawba maftouh. La porte de tawba, elle est repentie, elle est ouverte plutôt tout le temps tant que tu n'as pas encore rendu l'âme, alhamdulillah. Et bien plus que cela, on sait que shirk, ça annule les actions. Ça annule, ça rend vain les actions. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كما قال جل وعلا لحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في كتابه العزيز. الله عز وجل يجيب بروفيت. Et il t'a été révélé à toi, c'est-à-dire au prophète, ainsi que ceux qui étaient avant toi. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ. Si tu as associé, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tes actions deviendront vaines. Donc on sait que shirk, ce n'est pas pardonné. D'accord? Allah ne pardonne pas shirk. Si tu t'es pas repenti, et en plus de ça, si tu as associé quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as beau faire la prière, tu as beau faire le jeûne, tu as beau faire ce que tu veux, tes actions deviennent vaines. Allah azza wa jalla dit que tes actions deviendraient vaines. Et tu seras parmi les perdants. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc on voit que shirk, c'est pas ce par quoi on doit commencer dans Ad-Da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète leur a dit, vous me, yani, faites acte d'allégeance sur ces clauses-là. Il a dit, le fait de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est vous me promettez, vous faites ce pacte d'allégeance, yani, de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Première des choses dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Deuxième des choses, de ne pas voler. Interdiction de voler. Donc, vous assumez ces conditions-là. De ne pas voler. Troisième des choses, de ne pas commettre l'adultère. De ne pas commettre l'adultère. Quatrième des choses, de ne pas tuer vos enfants. Car c'était une ad, c'est une habitude à l'époque de l'Jahiliya, comme on l'avait vu précédemment. Et cinquième chose, de ne pas vous calomnier et de ne pas me désobéir. De ne pas vous calomnier et de ne pas vous, ou plutôt me désobéir au prophète alayhi salatu wassalam. Donc est-ce que vous êtes prêts ici à vous engager concernant ces clauses-là? Et le prophète alayhi salam leur a dit dans le hadith de Bukhari et Muslim, le même hadith, il dit, et celui qui sera fidèle à ce pacte, Allah azza wa jal le récompensera en bien. Ensuite le prophète leur dit, et celui qui enfreint ce pacte, aura été puni dans ce monde et ce châtiment lui servira d'expiation. Donc celui qui enfreint ce pacte, il sera puni dans ce monde et ce châtiment-là ou cette punition-là lui servira d'expiation. Donc on sait que quand on a châtié dans tous les cas ici-bas, alhamdoulilah, dans tous les cas ça nous sert d'expiation, si on est croyant ou si on est musulman. Donc ça lui servira d'expiation. Et le prophète alayhi salam dit, et celui qui aura été épargné, yani parmi eux dans ce monde, c'est-à-dire celui qui aura enfreint à ce pacte-là, mais il n'aura pas été châtié en ce monde-là, son châtiment ici, ou plutôt son jugement, son cas dépendra, yani, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il dit, s'il veut, il le châtiera, s'il veut, il lui pardonnera. D'accord? Ça c'est dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, et ça concerne le premier pacte d'allégeance, bay'atul aqabatil oula. Après le premier pacte, donc ils ont fait le premier pacte d'allégeance. Donc on voit ici, on sent quoi ici? On sent qu'il y a quoi? Il y a une armée, il y a des hommes, il y a ici la voie qui est en train de se libérer vers où? Vers Médine, alors que le prophète est à Mecca. Donc on voit que Médine est prête et commence à être prête plutôt, n'est pas prête, et commence à être prête après le premier pacte d'allégeance à accueillir le prophète alayhi salatu wassalam et aussi al-muhajiri. Donc c'est-à-dire ceux qui vont exiler. Donc on voit ici la voie est en train de se libérer. Et ça c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala montrait au prophète alayhi salatu wassalam qu'il ne fallait pas désespérer. Quand la porte se ferme concernant n'importe quelle personne, à partir du moment où tu es croyant, et quand tu vois que les portes se ferment d'un côté, sache que bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala innama as-sabra ya'ti an-nasr. Donc on voit que après ou plutôt avec la patience vient le secours. Sache que bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, d'un autre côté où tu ne t'attends même pas sûrement, la porte va s'ouvrir. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle quand il dit dans le Coran al-Karim, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min ayna min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah azza wa jalla, on va lui donner des issues favorables et on va lui donner sa subsistance. Il ne s'est pas arrêté là, Allah subhanahu wa ta'ala. Min haythu la yahtasib, d'où il ne s'attend même pas. Voilà Allah subhanahu wa ta'ala pour te rappeler que c'est Allah azza wa jalla qui donne. C'est Allah azza wa jalla qui secourt. C'est Allah azza wa jalla qui vient en aide. C'est Allah azza wa jalla qui fait dissiper les soucis et les tristesses. Voilà que le prophète alayhi salatu wassalam reçoit les persécutions à Mecca et que la porte est en train de s'ouvrir vers où? Vers Médine. Donc ici, il y a yani, ces personnes-là, ici qui sont reparties après avoir fait le premier pacte d'allégeance, ils sont repartis à Yathrib. D'accord? Et ils ont fait ce premier pacte d'allégeance et le prophète alayhi salatu wassalam a décidé de ne les pas, de pas, plutôt afwan, les laisser repartir seuls. Donc ils sont repartis à Médine. D'accord? Mais le prophète ne les a pas laissés partir seuls. Donc il voit le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, la hikmah du prophète alayhi salatu wassalam. On avait dit que le hikmah, ici quand ce n'était pas assimilé au Coran, c'est-à-dire au livre, c'est-à-dire qui représentait la sunna, ça représentait quoi, comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala? C'était wad'u shay 'ala al-wajh alladhi yanbaghi wa fi al-waqt alladhi yanbaghi. C'est de faire ce qu'il faut, yani de la manière qu'il faut et au moment où il faut. La première fois quand il y avait les premières personnes qui rencontraient le prophète alayhi salatu wassalam, il les a laissés repartir. Il les a laissés repartir. Quand ils sont revenus la deuxième fois, ils ont fait pacte d'allégeance. Le prophète alayhi salatu wassalam a monté de niveau avec eux. Donc il a vu que ça commençait à être, yani, il commençait à être solide. Donc là, étape par étape, pacte d'allégeance. On accepte le pacte d'allégeance. Repartez à midi. Lakin, pas tout seul maintenant. Maintenant, je vous envoie avec vous un jeune. Un jeune qui, alhamdoulilah, était un homme. Il était jeune, mais c'était un homme. Et ce jeune-là a été la cause, ici, de la principale da'wa qui s'est faite, ici, à Médine. Et ce jeune-là, c'est Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu wa arda. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, vous allez prendre Mus'ab avec vous, ibn Umayr, et il va aller avec vous. Et le prophète lui a donné des recommandations. Il lui a dit que quand tu vas aller là-bas, donc à toi de leur expliquer, de leur instruire la religion. Car il ne suffit pas, ici, d'être musulman. Maintenant, il faut rentrer dans les détails. Si tu es croyant, tu acceptes et tu reconnais qu'Allah Azza wa Jal est unique. Tu reconnais que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui le prophète alayhi salatu wassalam. Tu acceptes des conditions de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer tes enfants, etc. Ça, c'est les gros points. Maintenant, il faut quelqu'un qui t'instruit dans ta religion, dans les détails. Et c'est pour ça que le prophète a envoyé Mus'ab ibn Umayr, pas pendant un mois, pas pendant deux jours, mais pendant une bonne année. Mus'ab est parti. Et parti, il n'a pas dit, mais ya Rasulallah, j'ai pas le temps, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, partir un an à je sais pas combien de kilomètres, je sais pas qui est là-bas vraiment, l'islam n'est pas trop fort là-bas. Abadan, il était jeune. Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. من المؤمنين رجال. Parmi les croyants, il y a des hommes. Alhamdulillah. Ceux qui ont le souci de da'wah ila Allah azza wa jalla, et par leur cause, au jour d'aujourd'hui, nous là, 14 siècles après eux, on est dans la mosquée, alhamdulillah, dans le confort, dans un pays non musulman, et on se rappelle d'Allah et de son messager. C'est qui les causes? C'est eux. Et c'est qui en aura la récompense aussi? C'est eux, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, Mus'ab ibn Umair est parti avec eux et leur a instruit ici les règles de la sharia. Donc, leur a donné des instructions concernant la religion, etc., etc. Donc, il est parti et il a réussi avec grand succès, comme il a été rapporté par Ahl al-Siyar et d'autres. Donc, il a réussi. Alhamdulillah. Donc, son travail. Il y a beaucoup de personnes, un grand nombre de personnes à Al-Madinah qui ont embrassé l'islam. Et l'année suivante, donc un an après, un an de da'wah, pas parti pour une semaine, un an. Pourquoi? Parce que quand tu fais un suivi avec des gens, c'est pas que pendant deux jours, trois jours. C'est pas que pendant deux jours, trois jours. Quand tu veux éduquer des gens, c'est pas que tu vas faire da'wah. Et c'est ce qu'on reproche aussi à nos frères qui font un peu, yanné le prêche, comme vous connaissez, hein, les gens qui font partie de Tablir. Donc, hafidhahumullah, moi je le dis clairement, hein, ils font un travail, il faut le reconnaître. Pendant que, alhamdoulilah, ils font du travail, il y en a d'autres qui passent leur journée à critiquer et à rester dormir et à rester manger des danones chez eux. Donc, alhamdoulilah, ils font du sacrifice, ils font du travail. Il faut dire ce qui est, ils sortent les gens des bars, il faut dire ce qui est, c'est une réalité. Lakin, en général, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. C'est parmi les reproches qu'on leur fait. Hein. Il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire, ça ne suffit pas d'aller dans une ville aussi ou d'aller voir un groupe de personnes et de leur montrer un peu la religion et ensuite de ne pas partir. C'est un bien dans certains cas, parce que alhamdoulilah, tu les as sortis ba'da de l'association peut-être ici, et tu les as fait rentrer dans l'unicité, où ils ne priaient pas, ils prient. Mais wallahi, si tu n'as pas un suivi, en général, les gens, ils lâchent prise. C'est pour ça que le prophète, alayhi il a toujours recommandé al-jama'a, yidullah ma'a al-jama'a, alaykum bil-jama'a, al-jama'a tu rahma, wal-furqatu adab, de rester en groupe, pour pas te sentir seul. Amma, si toi, tu vas faire da'wah à une personne, et ensuite tu pars et tu le laisses seul, mais il va sûrement s'égarer. Il va sûrement s'égarer. Et on voit ça, c'est l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Il a vu les personnes venir, quand il a vu que ça, alhamdulillah, c'était un groupe qui voulait vraiment la vérité, transmettre la religion, s'engager, il les a pas laissés repartir seuls. Il a continué le suivi avec eux. Il a envoyé Mus'ab ibn Umair pour rester avec eux pendant un an, les éduquer. Et ensuite, ils sont revenus un an après revoir le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, le prophète, regardez le suivi, il voyait loin. Nous maintenant, on voit deux jours. On commence da'wah avec une personne, on arrête. Oh, il ne veut pas écouter. Et ça, c'est ad-da'wah et akhil karim. Que ce soit avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes proches, c'est pendant des années. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, et ordonne à ta famille la prière, wastabir 'alayha. Al-istibar, c'est rien à voir avec sabr. Si un jour, inshallah ta'ala, prochainement, on a le temps de détailler as-sabr ici, dans une conférence, on le fera. Comme le dit Ibn Qayyim al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, il montre les différents degrés de sabr. Il y a as-sabr, al-istibar, etc. Donc Allah, il dit wastabir, c'est-à-dire sois constant, et c'est encore plus important que le fait de patienter, tout simplement. Donc c'est-à-dire que tu dois tripler, user de patience, ici, quant à l'appel à cette prière concernant ta famille. Wastabir alayha. Tu ne fais pas un peu après, tu dis, il ne veut pas m'écouter, j'arrête. Wastabir alayha. Donc ici, on voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé Mus'ab ibn Umair. Un an, ça a été un grand succès. De nombreux croyants ou de nombreuses personnes ont embrassé l'islam. Ils sont revenus voir le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, un an après. Et donc, ici, ce fut à l'an 13 de l'Hégire. À l'an 13 de l'Hégire. Quand les compagnons ont entendu ça, que, alhamdulillah, la da'wah de Mus'ab ibn Umair, donc, a eu un grand succès, qui avait de plus en plus de monde à Médine, il y a certains qui ont commencé à émigrer. Voilà. Ici, l'ouverture a commencé à se faire. Certains ont commencé à émigrer vers Al-Madinah. Alors que le prophète, alayhi salam, est resté où? Le prophète, alayhi salam, est resté à Mecca. Le prophète est resté où? À Mecca. À l'an 13 de la prophétie. Pendant le pèlerinage, encore. Donc on a commencé à l'an 10, c'était Al-Isra wa Mi'raj, l'an 11, l'an 12, l'an 13, 3 ans après. Regardez, nous on résume ça en une heure. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des années et des mois de patience. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un se retrouve dans des épreuves, c'est pas il patiente deux semaines et il dit bon moi j'ai patienté, subhanallah, il n'y a toujours rien, peut-être demain, si demain ça ne vient pas, je vais commencer à me plaindre, Ça c'est le prophète alayhi salam, c'est des années, là on est en train d'abréger des années en une heure ou en 30 minutes. Donc il faut savoir qu'il y a 3 ans qui sont passés, là on est à l'an 13 de la prophétie. Donc ici, il y a une délégation qui est revenue voir le prophète alayhi salam, ils étaient de 70 hommes. D'accord? Au début, un petit groupe d'hommes. Deuxième année, 12. Ensuite, 70. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient que 70. Il y en avait des centaines déjà qui avaient embrassé l'islam. Mais qui sont revenus jusqu'à ici, la Mecque, pour rencontrer encore le prophète alayhi salatu wassalam. 70 sont venus rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le deuxième pacte d'allégeance. D'accord ? Bay'atul Aqabati Thaniya. Pourquoi on dit l'Aqaba ? Parce que c'est un endroit. Al-Aqaba, c'est un endroit qui était appelé Al-Aqaba. Et c'est là-bas, à cet endroit-là, qu'ils ont fait les deux pactes d'allégeance. Donc là, ils ont fait le deuxième pacte d'allégeance au prophète alayhi salam. D'accord ? Ils étaient à peu près 70. D'accord ? Au début, ils étaient 70 qui sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est rapporté dans l'imam, ou plutôt le musnad de l'imam Ahmed, et ici, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et cette bay'a a été appelée par certains compagnons, bay'atul harb. Bay'atul harb. Donc le pacte, yani, de la guerre. Pourquoi ? Regardez qu'est-ce que renferme ce pacte-là. Donc là, la deuxième fois, quand ils sont revenus pour faire ce deuxième pacte d'allégeance, ils étaient au début 70, donc de Médine. Et ici, le hadith est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il est rapporté. Donc ils étaient venus effectuer le pèlerinage, et c'est Ka'b ibn Malik qui le rapporte. Il dit, nous donnâmes rendez-vous au messager d'Allah et alayhi sallam. Je rajoute rien parce que c'est un hadith, je vous le cite tout simplement. Donc c'est de la lecture, suivez bien. Donc ici, Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu wa arda, rapporte. Il dit, nous donnâmes rendez-vous au messager d'Allah et alayhi sallatu wassalam au beau milieu de l'événement. La nuit du rendez-vous, nous avons pris avec nous Abdullah ibn Amr, un chef d'entre nos chefs et un noble d'entre nos nobles. Nous cachions notre affaire à nos compatriotes, associateurs, en compagnie desquels nous étions venus au pèlerinage. Ensuite, nous nous adressâmes à lui, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr en ces termes. Ô Abu Jabir, ô Abu Jabir. Donc Ka'b ibn Malik, il rapporte ça. Il dit, ô Abu Jabir, tu es un de nos chefs et un de nos nobles. Nous désirons te voir sortir de ce que tu pratiques comme religion, sinon demain tu te trouveras à foin comme du bois au feu. Nous l'invitâmes à l'islam. Donc ils ont pris ce personnage-là pour essayer de l'inviter à l'islam. Et nous l'invitâmes à l'islam et l'informâmes de notre rendez-vous avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas voulu aller tout seuls. D'accord ? Ils sont partis avec ce personnage-là qui est Abdullah ibn Amr. Et ils ont dit, on a rendez-vous avec le prophète à Al-Aqaba. Alors il embrassa l'islam et se présenta à Al-Aqaba en notre compagnie. D'accord ? Cette nuit-là, nous dormions avec nos compatriotes au sein de notre caravane. Après que la nuit se fut écoulée d'un tiers, nous sortîmes pour aller au rendez-vous pendant la nuit. D'accord ? Rendez-vous avec le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Nous faufilons de manière secrète et prudente, jusqu'à ce que nous soyons réunis dans un défilé. Donc ils ont été, yani, accompagnés pendant qu'ils allaient à ce rendez-vous avec d'autres personnes. Donc ils se sont retrouvés dans un défilé, près d'Al-Aqaba, nous étions 73 hommes, et il y avait avec nous deux de nos femmes, à savoir Nusayba bint Ka'b, radiyallahu anha wa ardaha, et Asma bint Amr, radiyallahu anha wa ardaha. Donc au début c'était 70, ils sont partis au rendez-vous, et ils se sont retrouvés avec plusieurs personnes qui sont venues, dont trois hommes et deux femmes. D'accord ? Nous nous regroupâmes dans la masse, dans l'attente du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils avaient rendez-vous avec le prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne tarda pas à venir accompagné de son oncle, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, alors que l'Abbas, ils lui ont dit de venir avec lui, avec eux. Donc, ils étaient en compagnie de Al-Abbas, et ils n'étaient pas encore musulmans. Regardez, Al-Abbas n'était pas encore musulman. Donc, ils ne professaient pas encore la religion, ou ils n'acceptaient pas encore l'islam. Mais il désirait assister à l'affaire de son neveu et le soutenir. On eut confiance en celui-ci qui fut du reste le premier à prendre la parole. Al-Abbas a protégé quand même le prophète alayhi salatu wassalam. Mais comme on l'a dit encore une fois précédemment, et je le redis encore une fois, ici tu peux avoir le soutien même d'un non-musulman. Al-Abbas, il n'était pas musulman à ce moment-là. Il a soutenu le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, aux gens de Khazraj, donc les gens de Khazraj, Mohammed occupe chez vous la place que vous savez. Regardez les recommandations alors qu'il n'a pas encore cru. Il n'a pas encore plutôt adhéré à l'islam. Il dit, Mohammed occupe chez vous la place que vous savez. Nous l'avons toujours protégé contre qui lui veut du mal. Et il est bien protégé de son peuple, bien défendu dans sa ville. Cependant, il tient absolument à conclure cette alliance avec vous et à vous rejoindre. D'accord ? Et il dit, donc Al-Abbas, il dit à ces personnages-là, d'accord, qui veulent faire ce pacte d'allégeance. Il dit, si vous pensez que vous serez en mesure de respecter votre engagement vis-à-vis de lui et de le protéger contre ses ennemis, si vous êtes prêt à assumer, alors prenez vos responsabilités. Donc il leur dit, attention, c'est pas une mince affaire. Vous êtes prêt à assumer, assumez. Si vous êtes prêt à défendre le prophète, faites le pacte d'allégeance. Mais il dit, ensuite, par contre, si vous pensez qu'après l'avoir emmené chez vous, vous refuserez de l'aider et le livrer à ses ennemis, alors renoncez à l'alliance et laissez-le en paix, car il est bien protégé dans son peuple et bien défendu dans sa ville. Si vous n'arrivez pas à assumer, laissez-le. Donc ici, il leur rappelle encore, ici, si vous êtes prêt à assumer, alhamdoulilah, prenez-le. Vous n'êtes pas prêt à assumer, vaut mieux le laisser. Nous lui dîmes, nous avons compris ce que tu viens de dire, mais parle, ô toi, messager d'Allah, tu obtiendras de nous ce que vous voulez, toi et ton Seigneur. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wasalam, prit la parole, récita le Coran, authentifié par Cheikh Al-Albani. Wadakir bil Coran. Donc, rappelez-vous toujours, quand vous faites la da'wah à des musulmans, comme à des non-musulmans, utilisez kalamullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il récita le Coran, appelé à croire en Allah et à brasser l'islam, puis il dit, j'accepte l'acte de reconnaissance à condition que vous me protégez comme vous protégez vos femmes et vos enfants. J'accepte que vous me prêtiez allégeance, mais si vous me protégez comme vous protégez vos femmes et vos enfants. Ensuite, Al-Bara ibn Ma'mour lui prit alors la main et dit, oui, par celui qui t'a envoyé comme prophète muni de la vérité, nous te protégerons de la même manière que nous protégeons nos femmes. Conclue donc un pacte avec nous, messager d'Allah. Par Allah, nous sommes vraiment un peuple de guerre et d'armes. Nous avons hérité cela de père en fils. T'inquiète pas, on est des guerriers. Pourquoi? On a appelé ce pacte-là Bay'atul Harb. Il a dit, on est des guerriers, ne t'inquiète pas. Abul Haytham l'interrompit et dit, ô messager d'Allah, nous entretenons des rapports avec des hommes, les juifs. Mais ces rapports, nous allons les rompre directement. Cependant, si nous le faisons et si Allah te fait triompher, vas-tu nous laisser tomber pour retourner auprès de ton peuple? Regardez, ils ont dit, on est avec des juifs, mais si on rompt les liens avec eux et ensuite on a la victoire, est-ce que tu vas nous laisser, tu vas nous abandonner? Le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, sourit et dit, alayhi salatu wasalam, certes non, le sang est le sang. Le sang est le sang pour lequel on ne paye pas. Je suis de vous et vous êtes de moi. Je combattrai quiconque vous combat et ferai la paix avec quiconque fait la paix. Avec quiconque fait la paix avec vous. C'est-à-dire, je vous laisserai pas. Le prophète dit ensuite, désignez-moi parmi vous 12 responsables. Il a dit 12 responsables. Je veux 12 responsables qui se chargeront des affaires de leur peuple. Regardez le prophète, alayhi salatu wasalam. Maintenant, il met en place l'organisation. Il dit, je veux 12 responsables. Parce qu'il y a des responsables. On a besoin de responsables dans toutes choses. D'accord? Pour pas qu'il y ait quoi? Chacun qui fait ce qu'il veut et qui est le désordre. Inna Allah la yuhibbu al-fasad. Allah n'aime pas le désordre. Le prophète a dit, je veux 12 responsables. Aussitôt le choix fut fait, il y avait 9 responsables du côté d'Al-Khazraj et 3 du côté de Al-Aus. Donc ici, pour répartir les responsabilités. Du côté d'Al-Khazraj et de Al-Aus, il y a des responsables ici qui ont été donnés. 3 chez les Aus et le reste chez les Al-Khazraj. 9 chez les Khazraj. Et ici, ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, les a laisser repartir avec, ou plutôt après avoir fait, le deuxième pacte d'allégeance. D'accord? Le deuxième pacte d'allégeance qu'on appelle Bay'atul Aqabati Athaniya. Et ils sont repartis à Médine. Et voilà que Médine s'est encore plus renforcée. Et encore plus, il y a eu encore plus de croyants. Et on voit que Médine, ça y est, elle commence à être prête à accueillir le prophète alayhi salatu wasalam ainsi que les compagnons. Et c'est de là qu'il y a eu ici les premiers immigrés qui sont partis à Médine. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, alors qu'il y a eu les premiers immigrés qui sont partis à Médine, il est resté, la tête, le chef, il reste dans la base. Il reste géré, organisé. Et il est resté à Mecca. Et il était encore persécuté. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, quand il y a eu Al-Isra ou Al-Mi'raj, ce n'était pas la fin de ses problèmes. Mais Allah, azza wa jalla, a réconforté, a raffermi le prophète, alayhi salatu wasalam, hatta raja'a, jusqu'à ce qu'il soit revenu avec un cœur mutma'in, apaisé, ici pour l'aider à soutenir le reste des épreuves et avant que le secours vienne. Donc ça c'était quoi? Un événement intermédiaire qui a raffermi et apaisé le prophète alayhi salatu wasalam avant que vienne le secours. Car on voit que le secours commence à s'approcher. À s'approcher. Et on voit que le prophète alayhi salatu wasalam, quand ici il a yani, est reparti à Médine, c'est là où ils se sont renforcés, comme tout le monde le sait. Ils se sont, alhamdoulilah, fortifiés plutôt. Et c'est là où ils sont repartis pour conquérir ici Mecca. Donc on voit que le secours est très proche là. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam a dit An-nasru ma'a sabr, An-nasru ma'a sabr. C'est-à-dire qu'il y a le secours qui vient avec la patience. Qui vient avec la patience. Plus tu patienteras et plus, incha'Allah ta'ala, le secours sera de taille. Et on voit qu'Allah azza wa jalla nous le rappelle quand il dit Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah azza wa jalla dit certes, auprès de la difficulté, il y a la facilité. Il n'a pas dit بعد العسر يسرى. Après, auprès, proche. Proche de la difficulté, il y a la facilité. Proche de la difficulté, il répète une deuxième fois Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la facilité. Le prophète alayhi sallam nous rappelle quand il dit An-nasru ma'a sabr. Le secours ne vient qu'avec la patience. Comme les compagnons ont patienté. Comme ici, as-salaf, les ancêtres pieux ont patienté. Comme at-tabi'in ont patienté. La communauté doit patienter. Et on ne doit pas se dire dès qu'il y a des épreuves, ça y est, je flanche. Et je dis pourquoi il m'arrive ça? La budda min as-sabr. Allah Azza wa Jal, il veut que les croyants soient éprouvés. Il veut que les croyants patientent. pour différencier les véridiques des menteurs. Allah, il sait ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Qui est véridique, qui est menteur, mais pour que toi tu saches si tu es véridique et tu es ou tu es menteur. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens vont penser qu'on va les laisser dire je crois sans les éprouver? On a certes éprouvé ceux qui étaient avant eux pour qu'Allah connaisse les véridiques des menteurs. Les véridiques des menteurs. Donc il te faut la patience. Et on ne peut patienter sans avoir l'iman, la foi. والإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بالمعاصي. Et la foi, elle augmente avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle diminue avec les désobéissances. Si tu veux patienter, à toi de fortifier ton iman, c'est-à-dire avec l'obéissance d'Allah azza wa jal et en t'accrochant à deux choses. At-tawakkul ala Allah azza wa jal, ala al-hayy alladhi la yamut et al-yaqin. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et al-yaqin, la certitude. Et tout ceci doit être basé ici sur la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car le secours ne vient qu'avec la patience, si cette patience est accompagnée de quoi? De la vérité. La vérité c'est quoi? L'islam. Ça ne suffit pas de patienter. Yarhamukallah. Je termine ici, pourquoi? Car si quelqu'un va dire si je patiente, c'est bon, il y aura toujours le secours. Abadan. Si tu patientes, tu peux patienter tout en étant égaré. Et pas accepter la vérité. Et pas accepter l'islam, mais tu as la force de patienter. Est-ce que le secours viendra? Abadan. Il faut la patience ici, tout en reconnaissant la vérité qui est l'islam. Et c'est pour ça que Omar al-Farouq radiyallahu anhu wa arda, il disait quoi? Kunna adhilla fa'azzana Allah bil-islam. On était humiliés. On ne valait rien. Allah azza wa jal nous a fortifiés avec quoi? Pas que la patience, avec l'islam. Donc tu dois être un bon croyant patient. Ça ne suffit pas de patienter. Tu patientes et tu es un bon croyant, un bon musulman. Avec l'islam, Allah azza wa jal nous a fortifié. Écoutez bien la parole en or de Omar ibn al-Khattab. Il dit ensuite, فَلَوْ اِبْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهِ. Et si on cherche la puissance, la victoire, le secours dans autre chose que l'islam, Allah azza wa jal va nous humilier. Et للأسف الشديد, de façon générale, c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans la communauté, tout en sachant que la communauté, il lui reste beaucoup de bien, il y a un grand bien dans cette communauté, mais la communauté malheureusement est humiliée. Pourquoi? Parce qu'on a sûrement délaissé la religion, la vérité et la patience. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.